Classics. Les rappeurs et les chanteuses mangent des petits plombs, trop talent, mais moi laine pour des crampons derrière ses talons. Exécuteur, mais son stylo des coups de cutter. Tu pisses le son, reste pas trop près des boomers ou des tweeters. Interprète et auteur, pas de playback que du live et du live. Sans vinyle, pas d'orchestre, pour pas que ça se part en live. La cité à la selle, je me téléporte. Par derrière, Funky et tous mes potes. Sans backstage, franchis toutes les portes. Vont ceux qui m'ont fermé les portes. Je frime leur ionné. Pendant 12 piges, j'ai grimpé à la corde. Pour enfin rayonner, malgré le succès, je me suis pas mis une dent. M'attendez pas au tournant. Moi, je vais vous rentrer dedans. Je suis un ouf, moi, vous savez pas. Depuis le début, ça va pas. Et tout ce que j'ai vécu, oh là, vous allez voir. J'ai du kérosène dans le réseau. Avoir. Je voyais pas danseur ou choriste. Je voulais être seul comme un pianiste. Pas de calibre pour deux, je suis pas venu en touriste. Question quand je fredonne, la la la la la la la. Yeah. En mon absence,

special bond together. We go back like bombers, boo, in the coldest weather. And when I play, you play the same way. You freak me, baby, I f*** you crazy. Then I'm gone, and baby, I'm gone. Don't really want me to get up and leave up that easy. Should be waking up wet for she's a. Remind these women to mind their business. Believe me, pimp game is very religious. And I'm built like a Don Bishop. Gold deep dish, money green bins. And my world is my witness. The life we share is a thug affair. But who cares? You care. On est premier sur les classiques avec Ja Rule et HNT. On écoutait Always on Time. À l'instant, il y a De La Soul qui arrive. Ring, ring, ring. Avant 19h, dans Skyrock Classics, l'émission premier sur les classiques. Pour bien terminer le week-end, pour passer un bon dimanche soir, il y a aussi T.I. Whatever You Like. De La Soul, T.I. à écouter tout de suite. Et Diffoul est très généreux toute la semaine entre 6h et 9h. Écoutez tout ce qu'il vous a déjà offert depuis la rentrée. Classics, 18h-20h sur Skyrock. Que des numéros 10 dans ma team, mais gros. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. M'en sache que l'on perd, j'me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au but d'Ozer. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Beaucoup de mal à obéir aux hommes. Même si mes paroles pour les menottes sont plaquées au sol. J'en bats pas les couilles d'avoir de bonnes notes. Peu d'élus dans mon milieu. Des attaquants peu déliés dans ma banlieue. Mes lyrics font d'humeur à Mossad. J'donne à dire, j'm'en fous d'y passer. S'il me reste quelques millions d'euros à tenir, mon drapeau blanc est toujours au sale. Prolique bien au chaud avant d'affronter l'équipe. Trempe tes couilles dans l'eau chaude. Des fois j'vois la fermer. Mais y'a ce putain de drapeau à la con. Alors j'carbure à la queue ce con. Et mon scud pas à la fonte. J'rêve peu, j'préfère agir. Mais j'ai un temps de vie minimal. Donc forcément, l'infini ça finit mal. Si j'atteins l'argent ou le bronze, c'est que l'or m'aura échappé. Alors j'serai Dieu qui pourra mettre en zone. En noir, tu demanderas après que ma clique de kill. Mais comment font-ils pour avoir ce style? Fusil à pompe dans les mains, carabdo dans les pupilles. Petit, des numéros 10 dans ma team. Pas juste pour la prime. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. M'en sache que l'on perd, j'me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au but d'Ozer. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Tu rêves d'être numéro 10 comme nous. Que la rue t'applaudisse, rappeur rugisse comme nous. Ballon d'or grâce à mes tacles à la gorge, mes crochets, ok. J'mets mes dièses, roi du monde de tal, là que j'te baise. Faut que la loi, son arbitrage, c'est carton. Dis-la ici, c'est nous, les patrons, sucez-nous pendant qu'on big rap. Souvent la cam est trop douce. Trop gaise, trop laisse, pas dans le 92. Alors des fois je fume, je plane et je perds. Au lieu de prendre des thunes, de gagner du baisse. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Rock classique, classique, 18h-20h. Yes, this is Mystery Making out of Philadelphia. I want you to give me a call on area code 215-222-4209, and I'm calling in reference to the music business.

in my pocket. 5-6 rides with rims and a body kit. You ain't got a downgrade, you can get what I get. My chick can have what she want. And go in and stone for any bag she want. I know you ain't never had a man like that to buy you anything your heart desire like that. Yeah, I want your body, need your body. Long as you got me, you won't need nobody. You want it, I got it, go get it, I buy it. Tell the mother, bro, nigga, be quiet. Stacks on deck, Patron on ice. And we can pop bottles all night. Baby, you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Yeah, yeah. Late night sex, so wet, so tight. I guess up. Put this big boy in your life. The thing gets so wet, it hits so right. Let me put this big boy in your life. That's right. I want your body, need your body. Long as you got me, you won't need nobody. You want it, I got it, go get it, I buy it. Tell the mother broke nigga, be quiet. Stacks on deck, Patron on ice. Cause we can pop bottles all night. Tous les dimanches 18h-20h Skyrock Classics, les meilleurs sons de Skyrock, ceux qui ont fait l'histoire et le succès de votre radio préférée. On écoutait T.I. avec Whatever You Like. Il est bientôt 19h, 18h58 précisément. Passez un bon dimanche soir. On vous prépare une très très grosse soirée de très haut niveau avec à 20h. Dans moins d'une heure maintenant, le Hit US, ce sera les 10 cartons rap R&B aux États-Unis. Et à 21h, le retour de la plus grande radio libre de France avec les meilleurs moments de D-Fool mixé par Vincent. À pas louper. Là, on est reparti pour une nouvelle heure 100% Classics avec Lil Wayne. Lil Wayne, pas mal de rumeurs sur le net. On n'a pas vraiment de confirmation. Il paraîtrait qu'il aurait plus qu'un mois à vivre. On ne sait pas. En tout cas, le son de Lil Wayne, il est bon, il déchire tout. On l'écoute maintenant. Premier sur le rap, c'est Lollipop, le son de Lil Wayne, suivi de Brandy Monica, The Boy Is Mine et Shuriken d'IAM. C'est Lettre sur Skyrock. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. No homo. I say he's so sweet. I wanna lick the rapper. So I let her lick the rapper. She lick me like a lollipop. Yeah. She lick me like a lollipop. Lollipop. She lick me like a lollipop. Yeah. She lick me like a lollipop. She like me like a lollipop. Oh yeah, I like that. She like me like a lollipop. Yeah, I like that. to say the nigga that she with ain't shit. Shout to say the nigga that she with ain't this. Shout to say the nigga that she with can't hit. But shout it, I'ma hit it like I can't miss. And it can't do this, and it don't do that. Shout to me to refund, need to bring that nigga back. Just like a refund, I make her bring that ass back. And she bring that ass back because I like that. Sur Skyrock. Mind.

chit. Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing, move it, move it. Just take it off. Let's paint the town, paint the town. We'll shut it down, shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it. Let's live it up, and do it, and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go. We gotta rock, rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go. Now we on top, top, top, top, top. Feel the shot, body rock, rock it, don't stop, stop, stop, stop, stop. Round and round, up and down, around the clock. Get with us, you know what we say, say. Party every day, pa, pa, pa, party every day. And I'm feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Dimanche 18h-20h, Skyrock Classics avec les originaux de Skyrock, I Got a Feeling, les Black Eyed Peas qu'on écoutait à l'instant, et Eddie qui nous envoie un message, c'est le top, vive les classics. Il y a aussi Wade qui a kiffé le son de juste avant, c'était Lettre de Shuriken. Il y a Kish Michel, trop trop top, Got a Feeling, Skyrock Classics, et c'est une dinguerie l'émission pour Conakry 10. Et bah, c'est sympa toutes vos réactions à l'émission, et attention, hein, soyez bien connectés demain matin pour le Morning de Default. On est premier sur l'iPhone 7 avec le tout dernier portable de chez Apple qui vaut 790€. On vous l'offre entre 6h et 9h pendant les jeux, donc ça se passe à 6h20, 7h20 et 8h20, en plus des chèques de 1500€ que vous pourrez gratter si vous répondez Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone. N'hésitez pas à vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes. Un petit top maintenant, on prend les auditeurs de Skyrock Classics pour gagner 1500€ demain. C'est 1500 par SMS qu'il faut envoyer au 7-20-20. Bonne chance. On écoute Lauryn Hill en version Skyrock, Lost Ones. I Am Sons of a Man, ça arrive juste après La Saga et Swimming Pool, le gros son de Kendrick Lamar. Skyrock Classics jusqu'à 20h. Skyrock Classics, les éternels de Skyrock en version originale. Yo, yo, yo, this is L Boogie on Skyrock, Planet Raps, and yo, it's funny how money changes situation. Skyrock, favorite radio station. Every time I'm on, I'm on number one. Planet Rap, give that to the sun. Every time they play, it's premiere. Rap, every time L Boogie's up in here. L Boogie, minus two Fugees. Every time we come, we rock Paris. What? All sound busting out in your truck, your Jeep. All kids don't sleep, cause Planet Rap is the one and it's deep and it gets that way. Skyrock on stage to the last day. Year 2000, 2001. You just lost one. One. Planet Rap radio station. One. Skyrock favorite station. One. L Boogie and Nonviolent might win some, but you really lost one. All DJs are done. Planet Rap is number one. You might win some.

the one that you humping. That ain't about nothing. If ever you mad about something, it won't be that. Oh no, it won't be that. I don't be at places where we can't be at with no. Oh no, you won't see that. And no, I ain't perfect. Nobody walking this earth's surfaces. But girlfriend, work with the kid. I keep you working at Hermes Birkin bag, Manolo Blahnik Tim's, aviator lens, 600 drops, Mercedes Benz. The only time you wear a Burberry to swim. And I don't have to worry, only worry is him. She do anything necessary for him, and I do anything necessary for her. So don't let the necessary occur. Yep. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend. That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend. Talk to me. Sometimes I trip on how happy we could be. And so I put this on my life. Nobody or nothing will ever come between us. And I promise I'll give my life. My love and my trust if you was my boyfriend. Put this on my life. The air that I breathe in, all that I believe in. I promise I'll give my life. My love and my trust if you was my boyfriend. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend. That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the very end. Jay-Z, Beyoncé sur Skyrock, premier sur le rap, premier sur les classiques entre 18h et 20h. C'était Bonnie and Clyde pour terminer cette grande session classique de Skyrock Classics. Juste après Skyrock Classics à 21h01, on retrouve les numéros 1 US d'aujourd'hui. C'est parti pour le 8 US. Ben ouais, Stéphane, qui est numéro 1 d'ailleurs depuis une semaine? Ben écoute, le numéro 1 de la semaine dernière, c'était Major Lazer avec Justin Bieber. Peut-être le sera-t-il pour une cinquième semaine consécutive. C'est ce qu'on va découvrir là maintenant dans cette nouvelle révélation du 8 US. Et ben on suit ça, on reste branché. Les 10 meilleures ventes aux États-Unis. C'est parti, Steph. Eh ouais, c'est parti. Ciao, Maxime. Ciao, ciao. 14h à New York, 11h à Los Angeles.